Cours numéro 6. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhadna fi ad-dars as-sabiq bidayat al-asl al-awwal. Ma huwa al-asl al-awwal? عندما عندك معرفة الله. Et Cheikh al-Islam il t'explique ses fondements avec des questions. Man rabbuk? Kama ja'a fi hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala an. Faman huwa ar-Rabb jalla wa ala? عندما تفضل ربي الله الذي رب وربني ورب ورب جميع العالمين بنعمته. نعم فالرب الله الذي رب العباد اي il leur a donné, il les a créés قبل ذلك, il leur a montré الحق, il a descendu des kutub, il a envoyé des messagers alayhi salatu wassalam. Toutes les ni'am c'est min Allah comme akhbara azza wa jal fi qawlihi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est rabbu al jami'. Ma ma'na al alamin عندك نعم بالعربيه كل شيء غير كل من سوى الله سبحانه وتعالى أي المخلوقات فالخالق c'est الله سبحانه وتعالى المخلوقات c'est tout ce qui est en dehors d'Allah سبحانه وتعالى. ثم شيخ الإسلام رحمة الله عليه montre comment tu reconnais أي بما عرفت ربك. Il y a des moyens, des choses pour le connaître عز وجل. تفضل. نعم بآياته أولا avec ses آيات الليل والنهار الشمس والقمر etc. tous ces signes ça montre quoi? C'est quoi le rapport الآن عندك نعم qu'il y a un créateur الشمس قمر النجوم les océans etc. tout ça ça montre qu'il y a un créateur et c'est des signes des آيات عظيمة القمر. Quand tu vois son évolution au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois, كذلك tu vois الشمس, elle se lève à des heures précises, le soleil il se couche à des heures précises. وهكذا النجوم, c'est utile pour connaître les directions, ça embellit les cieux. Tout ça, ça montre qu'il y a un Rabb qui gère tout ça. كذلك tu reconnais Allah avec quoi? وبمخلوقاته. نعم avec ses مخلوقات. Et لو تتأمل في بعض المخلوقات فتتعجب. Si tu médites sur certaines créatures, c'est impressionnant. Certains animaux, l'être humain et beaucoup de créatures, des créatures qui sont énormes, immenses. Tout ça, ça montre عظمت الخالق. Ça montre que الخالق il est على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, نحن, il y a une فائدة عظيمة. De ce asl al-awwal, c'est quoi l'an al-fa'idha al-azima de tout ça? Cheikh l'Islam il cite l'an ma'rifatullah indaman ibadatullah. N'am an al-khaliq jalla wa ala yastahiqu al-ibadah. Et c'est ce qu'on va voir l'an bi-idhnillahi azza wa jal. Qala rahimahullahu ta'ala ay Cheikh l'Islam fil matn wal-rab هو المعبود. Donc c'est ça le but et c'est ça le rapport entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-ibada ou tawhid al-uluhiyya. Al-sunni il a une aqida an aham ma yakun, et la chose la plus importante qui doit faire, qui doit commencer, que ce soit dans le da'wa, que ce soit dans l'ilm, que ce soit al-amal, c'est tawhid al-uluhiyya, contrairement à ahlu al-dhalal wal-bid'a wal-inhiraf. Tu trouves كثير منهم ils accentuent leur da'wa sur ar-rububiyya faqat ka jama'at at-tabligh wa ghayrihim min ad-dullal. Ils insistent sur hada ar-rububiyya et ils donnent peu d'importance à tawhid al-ibada. Certains parmi eux c'est à cause de leur ignorance et d'autres c'est cette ignorance elle a engendré ad-dullal wal-inhiraf. Tu trouves d'autres ils délaissent كذلك tawhid al-uluhiyya pour d'autres choses. Al-hakimiyya, comme il l'appelle. Il parle que des choses par rapport à al-hakimiyya, il faut juger que par les lois d'Allah. Et ça c'est haq. Lakin il délaisse l'appel aux autres ibadah, tawhid al-uluhiyya, qui est plus vaste. لأن الحكم بما أنزل الله سين عبادة عظيمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال عز وجل donc c'est une عبادة عظيمة لكن il n'y a pas que ça فلهذا هؤلاء tu les trouves دائما ils sont dans la politique دائما dans السياسة دائما en train de critiquer les gouverneurs et délaisse cette دعوة إلى توحيد توحيد الله سبحانه وتعالى mettre en garde contre الشرك ceux qui adorent les tombes ceux qui jurent par autre qu'Allah ceux qui placent leur confiance en autre qu'Allah As-Sahara et tous les anwa' de shirk. Et ça montre que Al-Mubtadi' Ad-Dal, l'égaré en général, son égarement, c'est dû la cause à Nahou, il se concentre que sur une chose. Tomma, il a du tafrit sur le reste. Hada, c'est ma'rouf. Ils pensent suivre le haq dans un point et ils font du rouleau sur ce point et ils délaissent. Amma Al-Muwaffaq, Al-Sunni Salafi, il donne de l'importance à tout le dit, les fondements et autres. Et il commence par le début. Al-Usul al-Thalat, il y a un ordre. Al-Tartib, il est tayyib. Il te montre, awwalan, anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Rabb. Et ça, tout le monde le reconnaît. Lakin, c'est une étape importante. Wa illa, ça ne suffit pas pour rentrer vers l'islam. Falihada kuffar Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus malgré qu'ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Que c'était lui, Ar-Rab. Lakin, Cheikh l'Islam, il te montre anna hada Ar-Rab, Azza wa Jal, tu le reconnais avec ses signes, ayatih, avec ses créatures, makhlouqatih, et il te montre que hada Ar-Rab, c'est le mustahiq lil'ibada, huwa al-ma'bud. Et ça, c'est important. Kathir min al-nas n'harafu fi hada al-bab. Il s'occupe avec des choses et il délaisse l'essentiel. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers que pour haqqaq hadha al-asl al-azim, ay tawhid al-ibada. Et on a cité plusieurs fois des adilla fi hadha, et inshallah, al-mu'allif ou al-shari'h, alayhim rahmatullah, ils ont cité et on lira leurs paroles. Qala al-Sheikh Abdul Aziz, rahmatullah alayhi, wal-Rabb huwa al-ma'bud. والعالمين المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض وهو ربها سبحانه وتعالى وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا donc الرب c'est le معبود الله سبحانه وتعالى il mérite l'adoration والعالمين les créatures ils doivent adorer الله سبحانه وتعالى أي المكلفين المكلفين يدوف أدوغي الله سبحانه وتعالى والعالمين المخلوقات عموما مطلقا on n'a pas le droit de les adorer. Pourquoi? Parce que ce haq, l'ibada, c'est pour Al-Khaliq. Ça fait sortir de l'islam celui qui adore autre que Rabb. Ça peut être un malak, ou un nabi, ou le soleil, ou le qamar, une créature que Allah il aime, car Rasul, ou le malaïka, ou l'anbiya, etc. T'as pas le droit. Léan Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ces créatures, il les a élevées, lakin il a interdit de les adorer. Pourquoi? Parce que l'ibada, c'est un haqqun lillah, ce qu'on appelle al-tawhid. Tawhid, c'est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid, ça vient de wahid, un, unique. C'est ça, tawhid. Donc, cette ibada, iyak, que tu donnes une partie, une ibada, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, dinu l'islam, al-haqq. Dinu l'islam, il est fondé sur hada. Fala taghtar bi ahli al-bid'a wa al-dalal wa al-ilhad. أنهم ils appellent à un islam qui n'est pas هذا et combattent هذا لأنه c'est le haq. Vous avez remarqué que leur combat il est beaucoup dirigé vers Cheikh l'Islam, contre Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab لأنه il appelle à dînu l'islam le haq, dînu l'adl, il appelle à la justice, à la vérité, à la droiture, tout ça fondé sur adillat al-kitab wa sunnah. قال Cheikh l'Islam rahmatullah alayhi fil matn والدليل قوله تعالى الدليل على ماذا يقول والدليل قوله تعالى الدليل sur quoi المستحق العبادة نعم أن الرب المستحق للعبادة قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آية عظيمة واضحة. Elle te montre هذا الدين. C'est quoi هذا الدين؟ Le fondement de ce دين, c'est le contenu de ce verset. أن الله سبحانه وتعالى, il a créé toutes les créatures, il leur a ordonné de l'adorer. Et c'est ça معنى الشهادتين. Tout ça avec l'envoi d'un messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé le Coran pour te montrer comment l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a interdit de contredire ce point, at-tawhid. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Vous avez remarqué, après avoir montré, détaillé, une interdiction. Ça te montre que da'wah s'est fondée sur l'ilm. Une interdiction, tu dois montrer pourquoi. Une obligation, tu dois montrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre أَنَّهُ سِلْ مُسْتَحِقْ لِلْعِبَادًا. Pourquoi ? Parce qu'il a créé. Il t'a créé toi, il a créé toute chose, subhanahu. Kadhalik, toutes les ni'am, tout ce que tu profites fait hadith dunya, c'est min Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Hadi l'ard, cette terre. Tu marches, tu profites, t'en tires des profits, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alaha firasha. C'est comme un firash. Tu peux te déplacer, tu peux profiter. قال والسماء بناء كذلك. Ces cieux qui sont au-dessus de nous, c'est un bina, c'est comme une construction, et t'en profites. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend al-matar et il descend al-rahma كذلك. Tout ça al-ibad, ils en profitent. قال وانزل من السماء ماء. Et ça c'est min akbar al-ni'am. Ces cieux, Allah il a descendu de l'eau et il a plu. Cette pluie, c'est la cause pour قال عز وجل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Les fruits, les légumes. Et tout ça, les gens, ils en profitent. Muslim kafir. Allah subhanahu wa ta'ala, après tout ça, après t'avoir montré que c'est lui le khaliq, il mérite l'adoration, que c'est lui qui t'a donné toutes ces ni'am, en commençant t'avoir créé, t'avoir donné la vie, etc. ثم Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Tu reconnais tout ça, t'as le ilm. Ça ne donne pas Allah d'associer. Ça te montre pourquoi Kuffar Quraysh, ils ont mécru. C'est des kafars. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Les noms, ils reconnaissaient هذا. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ اللَّهِ. Ils diront Allah. Ils savent très bien. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, huna qal, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Et on va voir, nid, c'est al-shariq, avec des associés. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et vous reconnaissez أن الله سبحانه وتعالى سرب. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui crée tout. Tout m'a voulu associer des choses. Allah dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors que vous savez. Donc c'est ça notre dîn. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et on l'adore pas avec les avis d'un tel, pas avec les humeurs de fulan. Pas avec ce qui satisfait la majorité. On adore Allah subhanahu wa ta'ala avec shari'at nabiyina Muhammad alayhi salatu salam. Al-Qur'an wa sunnah. C'est ça, dînu l'islam, en résumé. Qala, Sheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, fi sharh, qala ta'ala, ya ayyuhan nasu, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Khalaq al-jami' alladhina qabna walladhina ba'dana min Adam wama qablahu wama ba'dah. Adam, le premier être humain, et avant lui, Malaïka, les cieux, la terre, des créatures qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Al-aya, fahuwa khalaqa al-jami' liyattaquh wa ya'buduh. Tout ça, cette ni'ma, que ce soit la terre, que ce soit les cieux, que ce soit les montagnes, que ce soit l'eau, ta bonne santé, etc., tout ça, c'est que pour que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Rien d'autre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et c'est là que tu vois la gravité et la situation, elle est catastrophique. عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمْ. Ils suivent leur passion. Ils mangent, ils dorment, ils ont des, ce qu'ils appellent des loisirs, et aucune part فِي الْعِبَادَةَ وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. Alors qu'ils ont été créés que pour ça. وَعَدُهُمْ تَرَى. Pendant des années, il prend soin de son corps. Avec le sport, avec Bardohum, ils font des opérations, etc. Tout ça, qu'Annahu, il a été créé pour ça. Alors que le meskin, il sait pas, ou il sait, il oublie, Anna, ce corps, il rentrera تحت الارض وتاكله الدود, il sera enterré, ce corps il sera mangé par des insectes fil ard, il rendra des comptes au القيامة. Pourquoi هذا التعب, toutes ces années بعضهم ils ont un rouleau عجيب sur leur corps et il oublie son cœur, alors que le musulman là il prend soin de lui, لان الله جميل يحب الجمال. Et أعظم من ذلك, ou la chose la plus importante, c'est son cœur, tawhidullah. Et ça implique des amal. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a le droit de prendre du plaisir dans les choses halal. Se marier, manger, avoir un moyen de transport, tout ça c'est halal. Lakin, son objectif et son but, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que toutes ces choses, c'est éphémère. C'est pour ça que s'il perd sa voiture ou son foyer, ou il a des problèmes de santé, il patiente. L'ana, il sait que c'est éphémère, c'est pas le but. Amma al-kafir, vu qu'il a mis son objectif, c'est ça, et il pense plus qu'à ça, une petite chose, ربما, il met fin à ses jours. لأنه ضعيف, il a aucun objectif. فلا تغتر بهؤلاء المجرمين. قال رحمة الله عليه, ثم, أو كما قال تعالى, لعلكم تتقون. Tout ça, لعلكم تتقون. Tout ça, ça te montre que c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. التقوى سأدعو الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه بعض أفعاله فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فجعل الأرض فراشا للناس ومعادا ومهادا لهم عليها يسكنون وعليها يبنون. نعم هذه الأرض الآن والله الحمد elle est faite en sorte que tu peux construire dessus, tu peux marcher, tu peux vivre dessus, firashan, pour l'ibad. Qala wa alayha yanamun. Imagine-toi un tas si il y aurait des tremblements de terre bistimrar. Ceux qu'ils ont connus, ils ont vécu dans un endroit où il y a eu un tremblement de terre, ya'rifun hada. Anna, c'est très difficile. Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas dormir tranquillement. Dès que ça bouge, tout le monde panique. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hadhihi al-ard firashan. Et s'il y a un tremblement de terre, un séisme dans un endroit, il y a une hikmah, subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel, etc. Mais en général, l'ard elle est hadi'a, sakina. Cette ni'ma faqat, si tu prends que cette ni'ma, an Allah ja'ala l'ard virasha, l'ibad, tous, ils doivent être reconnaissants et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu rajoutes toutes les ni'mas, toutes les autres ni'mas. Qala, wa alayha yamshun, wa arsaha bil jibal. Kadhalik, hadi l'ard elle est thabita, avec le jibal. Le jibal, il la rend stable. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le khaliq de toutes ces choses. Thumma qal wa as-samaa'a bina'an faja'alaha bina' wa saqfan mahfuzan wa hum 'an ayatiha mu'ridun wa zinat wa zayyanaha bin nujum wash-shams wal-qamar. Na'am. Kadhalik hadhihi as-samaa' illa ambali. Illa ambali. Pour celui qui médite. Pour celui qui médite, c'est une ayah 'azima. الشمس والقمر la nuit, le jour, les étoiles, la pluie, les nuages, etc. Tout ça, c'est pas pour l'ibada à réfléchir. لكن الاعراض والعياذ بالله المعاصي الكفر والالحاد الكبر, tout ça, ça écarte l'insan de méditer sur le pourquoi il a été créé. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال وانزل من السماء ماء اي من السحاب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أنواع الأرزاق في كل مكان ويحيي الله به الأرض أي بالماء. صحيح أرزاق مختلفة. Si tu médites que sur les plantes, les arbres, les fruits, les légumes, تتعجب. Des goûts différents alors que c'est la même terre. Des couleurs différentes alors que c'est la même terre, la même eau. Qui c'est qui a fait varier toutes ces choses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La même terre, le même endroit, t'as un fruit de telle couleur et un autre fruit de telle couleur. Hada, il a un goût et l'autre, il a un autre goût. T'as un arbre de telle taille et un autre. À côté. Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, c'est la même terre, la même eau. Et des choses différentes qui sortent. Ça, c'est une ayah azim. Qala, ba'da moutiha, thumma qala ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ay, ashbaha, ashbahan, wa nudara, yaqsud an-nid. نعم أي أشباها ونظراء تعبدونها معه. سمعنا الند الأشباه النظراء المثيل الشريك أي أنا سوسي. لأن التوحيد c'est l'unicité, t'adore Allah seul. Adorer autre c'est shirk, c'est prendre des andad. Ta'budunaha ma'ahu la sanaman wa la jinnan wa la malakan wa la ghayra dhalik. Limadha li anna on a une règle anna al mustahiq lil ibada c'est Allah. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Malak الملك الملائكة يحبهم الله سبحانه وتعالى الله les aime. مع هذا تبلغ الله دور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام c'est خليل الرحمن الله l'aime. مع هذا تبلغ الله دور النبي صلى الله عليه وسلم lui-même il nous a interdit هذا. C'est pour ça que ce qu'ils font البعض ils adorent ce qu'ils appellent الأولياء مع أن كثير منهم c'est pas des أولياء c'est des فسقة لكن même si c'est un ولي même si c'est le رسول عليه الصلاة والسلام leur hujja annahum il est aimé auprès d'Allah donc je vais demander l'intercession pour qu'il intercède auprès de moi inda Allah subhanahu wa ta'ala tout ça c'est batil l'intercession tu la demandes à Allah subhanahu wa ta'ala man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi la bud tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah qui donne l'idn amma tu la demandes à un makhluk même si l'infal azim il est mort cette demande c'est un dua et nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ad-du'a huwa al-'ibadah wa qala fi al-ayat al-ukhra وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ ils adorent autre qu'Allah ils appellent sa shafa'a et adorer autre qu'Allah c'est shirk donc ihdar akhi al-muslim connaître ces fondements qui cite Cheikh al-Islam avec la parole de nos savants Cheikh Ibn Baz ou غيره كلام مختصر avec des adillah c'est mufid pour le muslim c'est pour ça que les ulama ils conseillent ce genre de rasail à tout le monde pas qu'aux talabat al-ilm aux enfants aux adultes l'étudiant il commence par ça كذلك العوام dans les masajid dans les khutab on parle de ce sujet important التوحيد on met en garde contre le shirk avec nos voisins la da'wa doit être fondée sur ça tout ce qui vient après c'est fondé sur ça les anna si l'insan il adore pas Allah seul il fait du shirk même s'il a un bon comportement même si tu l'appelles à des choses il vole pas il boit pas il ment pas etc ça lui est d'aucune utilité indallah il sera fin nar لأن المشرك اللي في النار ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار même s'il a un bon comportement même s'il est gentil même s'il ment pas لأن الله سبحانه وتعالى il a démontré dans ce verset que العله la cause دخول النار de ceux qui vont rentrer في النار éternellement la cause c'est الشرك بالله donc on doit mettre en garde contre هذا جدا ودائما وأبدا Tant qu'on peut. قال الشيخ عبد العزيز فالعبادة حق لله وحده ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل بل هو الإله الحق. نعم. الله سبحانه وتعالى il est unique dans ses noms et ses attributs. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il est unique في الربوبية. On a cité tous les adillah. الحمد لله رب العالمين. On a cité كذلك أنه il est unique في العبادة. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Le verset, il va le citer chez l'Islam, il va l'expliquer chez Abdel Aziz et plein d'autres adillah qu'on a cités. قَالَ لَيْسَ لَهُ نَدِيدٌ وَلَا نَظِيرٌ وَلَا مَثِيلٌ بَلْ هُوَ الْإِلَهُ الْحَقُّ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَّخِذُونَ لَهُ الْأَنْدَادَ وَالنَّظَائِرَ وَالْأَمْثَالَ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَيَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى il l'a envoyé à Suqaw à Mecca في جزيرة العرب Ils adoraient Al-Asna. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour leur démontrer que c'est du shirk et du kufr. Ils n'ont pas le droit. وَيَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ فَأَنْكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ لَيْسَ لَهَا حَقٌّ فِي الْعِبَادَةِ Sahih, c'est un abd va'if. Lui-même, il a besoin d'aide. Lui-même, il a besoin que Allah il le guide, Allah il lui donne. Comment anta, tu vas lui demander? ولا قدرة لها على شيء إلا بإذنه سبحانه وتقدير إلا بإذنه سبحانه وتقدير لو قيل لي لإنسان tu vas demander de l'argent مثلاً à quelqu'un qui en a pas il trouvera qu'il y a aucune utilité et il a raison ou se faire soigner vers une personne c'est pas un docteur il a aucune étude dans la médecine Il va te dire, il n'y a aucune utilité. Tu perds ton temps. Belle, tu peux te faire du mal. Falimada. Ils demandent, ba'duhum, ashiva, la guérison, avoir des enfants, la guider, ashafa'a. Toutes ces choses, qu'il n'y a qu'Allah qui peut les donner, ils les demandent à des morts. C'est ça le shirk billah azza wa jal. Là où tu leur dis de demander de l'argent à un mendiant, mendiant lui-même, il cherche de l'argent. Il veut, il demande. Et on leur dit, demande-lui. Il va te dire, il n'y a aucune faïda. Lui-même, il n'a pas. فنحن on leur dit, كذلك, il n'y a aucune faïda de demander aux morts, لأنهم ils possèdent rien. كذلك, une autre question. Pourquoi ils ne demandent pas à Allah? Pourquoi? Un exemple. واحد, il a besoin de quelque chose. Une personne, elle peut lui donner. Une personne, elle ne peut pas lui donner. S'il s'entête à demander à celui qui ne peut pas lui donner, c'est min as-safa. C'est min as-safa. Ça montre qu'il a un problème, fi aqli. Comment tu demandes? Il n'a pas. À côté, il y a une personne, elle a. On peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi tu t'entêtes à demander là et tu ne demandes pas à celui qui a? C'est un exemple. Elle m'a demandé, demander aux gens, tu ne dois pas demander. Là, c'est un exemple pour te montrer ça. Enfin, la question qui se pose, c'est pourquoi ils ne demandent pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits? Est-ce qu'ils ont, ils sont pas confiants? Est-ce qu'ils ont des doutes? C'est pour ça que le shirk c'est grave. Le fait qu'ils ne demandent pas, c'est le kibr, comme Iblis. Pourquoi Iblis il n'a pas voulu adorer Allah? Il savait très bien qu'Allah il est capable de tout, qu'Allah il allait lui donner le jannah. Il savait très bien tout ça. Lakin al kibr, il faut faire attention à le kibr. Fakathir min al mushrikin, c'est le kibr. Il sait, tu lui montres, etc. Lakin al kibr. Kadalik al hawa. Kadalik les intérêts de dunya. Ils ont des intérêts fit dunya. S'il arrête cette chose, Rubama, il se fait du mal fit dunya. Et le meskin, il ne sait pas que c'est Allah qui donne tout. Le haqiqa, il ne se fait aucun mal, il ne se fait que du bien pour sa dunya et pour son din. Lakin, al-ahwa wa shaytan. Kadalik, ba'dhum, c'est par ignorance. Et ce n'est pas tous ceux qui font par ignorance, ils sont excusés. S'il a les moyens d'apprendre, on le conseille, il peut lire, il peut écouter, il peut demander, on lui montre. Fahada, son ignorance, là, hada, il tombe fait l'inad. Il était ignorant, lakin, le ilm, il lui est parvenu, et il ne veut pas suivre. Ala kulli hal, il y a des causes, et la chose qui est utile pour l'abd, ba'tawfiq illah azza wa jal, c'est de faire des efforts fait l'ilm. Tawadu', la modestie, il s'écarte du kibr. Si quelqu'un lui montre le haqq, il le suit. Kadhalik, revenir aux sources et connaître les sources, al-Qur'an, et ça, ça fait partie du ilm. Kadhalik, demander si tu ne sais pas, kadhalik, ça fait partie du ilm. Al-ilm fihi al-khayr. Tout le khayr, il est dans l'ilm. Falihada, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama fi sahih, man yuridillahu bihi khayran yuffaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, Allah lui facilite l'apprentissage de la religion, du din. On fait des efforts fait l'ilm. Cette risala et autres. Fal'ilm fihi as-sa'ada. Sa'adatu d-darain. Et le jahl, c'est le contraire. Le jahl, ça pousse qu'au char. Thumma qala shaykhul islam, qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqu lil-ibada. Et ça, tu peux le prendre comme une règle. Celui qui crée, celui qui donne, celui qui gère, c'est lui qui mérite l'adoration. Enfin, est-ce que les morts, ils peuvent créer quelque chose? Abadan. Ou alors ils se rassemblent, ou alors il y a plusieurs adillah, et on les verra, incha'Allah ta'ala. Est-ce qu'ils peuvent guider? Jamais la vie. Est-ce qu'ils peuvent donner la vie? Abadan. Il y en a lui-même, il est mort, il pourrait redonner la vie, il saurait redonner la vie à lui-même. Est-ce qu'ils peuvent guérir? Jamais la vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses, c'est haqqun lillah, tawhid al-rububiyya, et ça implique qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqullah ala al-ibad. Qala Cheikh Abdel Aziz, qala al-Hafid ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala fi tafsiri. Hafid ibn Kathir, Ismail, Abu al-Fida, rahmatullah alayhi. Sahib al-Tafsir, sahib al-Bidaya wa al-Nihaya. Il a des kutub azima. C'est un imam, min a'immat al-Islam. Et son livre al-Tafsir, c'est min ahsan kutub al-Tafasir. Qala al-Khaliqu li hadhi al-Ashya min sama wa ard. وثمار وأشجار ومطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع لأنه الرب الجميع وخالق الجميع كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آية عظيمة. الإله الواحد. الإله سي المألوه المعبود celui qui mérite l'adoration. لا إله إلا هو. Personne ne mérite l'adoration sauf lui. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et ce Rabb que tu adores, i'lam annahu c'est Arhamur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut notre khayr. Il veut pour nous la facilité. C'est pour ça qu'il a envoyé son Nabi. C'est une rahma pour l'alamin. Lakin al-kafara, ils ont un kibr ajib. Hatta ils ont atteint un niveau l'an, annahum, ils l'adorent pas, ils adorent pas Allah Azza wa Jal, bel ils se moquent, ils l'insultent, yat'anouna fi anbiya'ihi wa rusulihi wa awliya'ih, ils font du mal à ses serviteurs. Tout ça, al-kufr. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Allah il les a égarés, li annahum ils méritent pas et ils reconnaissent pas al-ni'ma. C'est pour ça que tu ne dois pas être étonné de l'animosité des kafars. Ils ne respectent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne respectent pas son prophète alayhi salatu wa salam. Amma ant min babi awla. Qala shaykh al-islam wa anwa'u al-ibadah. À partir de ce passage, il va citer al-an al-ibadah avec des amthila. Et toutes ces ibadat qu'il a citées autres. Al-ibadah kama bayyana shaykh al-islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fi risalatihi al-ubudiyyah. Il a défini l'ibada أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. C'est ça l'ibada. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agré, comme parole et acte apparent caché. C'est ça l'ibada. Cheikh al-Islam, il va citer des exemples. Et le but, c'est de te démontrer que ces ibadat, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdhar que tu donnes une de ces ibadat à un mort, à un djinn, à un wali, à une créature. Ihdhar. Il faut que tu aies des limites, ayyuha al-muslim. Des choses, c'est interdit. Des choses qui sont interdites. Allah, il les a rendues interdites. Tu n'as pas à les faire. Des choses qui sont obligatoires, tu dois les faire. Des choses qui sont mubaha, autorisées. Tu as le droit. Tu manges, tu bois, tant que c'est halal. Des choses, il y a des huquq. Ton voisin, matalan, il a des huquq. Il y a des limites. Tu dois avoir un bon comportement, tu n'as pas le droit d'être injuste, etc. Tes parents, kadalik, il y a des limites. Il y a un respect, tu dois être utile avec eux, tu dois leur rendre service. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des limites, tu dois l'adorer que lui. Al-Rasul, il y a des limites. Tu dois lui obéir, tu dois le suivre. Al-Haq, c'est ce qu'il a dit, alayhi salatu wa sallam. Si une personne, quel que soit son niveau d'ilm, quel que soit son niveau de piété, il contredit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même si il l'a contredit par ignorance, t'as pas à le suivre. Waman يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Tous ces hudoud, ces exemples qu'on a cités, ces limites, celui qui les transgresse, il ne les respecte pas, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Il est injuste envers lui-même. لِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah, il a besoin de personne. Allah, subhanahu wa ta'ala, al-mushrik, il le fait rentrer dans le nar éternellement. Non, mais c'est le mushrik qui souffre. C'est le mushrik qui regrette. Amma Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le ghani, c'est le hayy, c'est le qayyum. C'est l'awwal, c'est l'akhir. Il a besoin de personne, Jalla wa Al. Donc, en haqiqa, ha'oula, ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Qu'à eux-mêmes. Et le kibre qu'ils ont, le ratrasa, etc., leur situation, elle s'empire. À la fin, ils regretteront. Qala, Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, ou naqra, kalam Cheikh, Cheikh al-Islam, qabla dalik, wa anwa'u al-ibada allati amara Allahu biha, mitl al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan, wa minhu al-Dua. والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة. Ça te prouve que c'est que des exemples. لكن il a cité des عبادات عظيمة. مثلا il a pas cité الصلاة, il a pas cité الصيام, il a pas cité الحج. Donc lui son but chez l'islam c'est quelques exemples. Et خاصة il a cité des عبادات que beaucoup de personnes ربما اللي دنا أترك الله كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة. Beaucoup de gens ils font ça pour les morts. Le Cheikh al-Islam son but c'est de citer quelques exemples et de montrer que ces choses qui sont répandues عند بعض الناس بل c'est normal pour eux. بل pour eux c'est ça l'ibada. Adorer ce mort, égorger pour ce mort, il te montre que tout ça c'est pour Allah. Et celui qui le donne, qui fait cette ibada أترك الله, c'est un mushrik, shirkan akbar. قال وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. C'est une règle dans notre dîn. أن العبادة c'est que pour Allah. Hadith Mu'ad في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit ما حق الله على العباد, وما حق العباد على الله؟ معاذ رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم montré c'est quoi حق الله على العباد. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. C'est le premier dalil que Cheikh al-Islam il a cité في كتاب التوحيد. Pour te montrer أن son livre كتاب التوحيد il l'a fondé sur ça حق الله. C'est pour ça qu'il l'a appelé كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد. C'est ça كتاب التوحيد. C'est ça notre dîn. Le droit d'Allah sur son serviteur, ils doivent l'adorer. Allah, il a haq sur nous. Il t'a créé, t'a guidé, t'a facilité. T'es obligé d'être reconnaissant en l'adorant seul. Azza wa jal. Kadhalik min al-adillah. Ce dalil qu'il a cité sur l'islam. Et beaucoup d'autres dalils que Cheikh Ibn Baz va citer ou qu'on essaiera de citer, inshallah, au fur et à mesure. Qala Cheikh Abdul Aziz, al-ibada anwa'. Taqadda ma'ana le ta'rif de Cheikh l'islam. Ismun jami'. Et c'est un nom qui englobe كل ما يحبه الله ويرضى. Tout ce que Allah il aime, il agrée. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Que ce soit des paroles ou des actes apparents cachés. Ça englobe le salat, ça englobe le tawhid, ça englobe le hajj, ça englobe le sadaqa, ça englobe le siyam, ça englobe le dhabh, l'istirata, l'isti'ana, le tawakkul, le khawf. Tout ça c'est Allah il aime ces choses, c'est une ibada. Ces choses que Allah il aime et il agrée, tu les donnes que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ibada. قال فمنها الإسلام بأركانه فلك ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كذلك il va le détailler dans معرفة دين الإسلام il va citer les trois degrés الإسلام والإيمان والإحسان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. Tout ça, on ne détaille pas, on détaillera, inshallah, dans le deuxième fondement. Tout ça, Cheikh l'Islam, chaque ibadah qu'il a cité, il va citer un dalil et on détaillera. Amal An, c'est un aperçu global. Cheikh Ibn Baz, il te cite pour comprendre la règle. Qui c'est qui nous répète la règle? C'est quoi la règle? Al-ibadah lillah. Il manque un mot. Wahda. On rajoute quelque chose encore? La sharika la. Ahsan. Al-ibada haqqun lillah wahdahu la sharika la. Ma dalil? Qui c'est qui cite le dalil? Ahsan. T'as un autre dalil? Wa'budullah wa la tushriku bi shay'a. Min al-sunna? Hadith Mu'ad qu'on vient de citer? Haqqullah ala al-ibad? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu quoi? An ya'buduh? Tfaddal? نعم لا يشركوا به شيئا قال فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها صحيح الإخلاص والمحبة الخوف توسع سيدي عبادة عظيمة قال فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجام ولا النجوم لأن العبادة حق لله وحده كما تقدم في حديث معاذ. Et il n'y a aucune différence. Adorer un caillou, adorer le soleil, les cieux, un nabi, un malak, un djinn, c'est interdit. لأن العبادة حق لله وحده قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أحدا إلى نكرة. Ça englobe tout le monde. Ahadan. Tu peux faire sortir de min al-makhluqat personne de ce umu. Wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le premier dalil, il y a une généralité, globalité. T'as pas le droit d'adorer les créatures. Le deuxième, c'est spécifique. L'adoration, ça te montre que c'est spécifique pour Allah. Iyyaka na'budu. Ay na'budu Allah wahda. لا شريك له وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. C'est ça l'injustice qu'on a cité quand on vous a expliqué les exemples avec les limites. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أولا, pourquoi adorer autre qu'Allah alors que cette créature elle possède rien? Elle ne peut rien te donner. Elle ne peut te faire aucun mal, elle ne peut te donner aucun bien. Ça te montre que فعل المشركين c'est من السفه. لماذا? Ils font une chose qui est inutile. Ben, ça leur fait du mal. قال ولا يضرك فإن فعلت ceux qui font لأن il y a des personnes qui font المشركون قال فإنك إذا من الظالمين celui qui fait c'est un ظالم pourquoi c'est un ظالم عند من ظالم ça vient de ظلم pourquoi c'est du ظلم أحسنت et lui au lieu d'être reconnaissant qu'est-ce qu'il fait أحسنت il adore un autre C'est pour ça que le Nabi alayhi salatu wasalam il a donné un mithal al mushrik al hadith il est sahih an si deux hommes ou un homme il travaille pour واحد un esclave ou là c'est un employé le Nabi sallam il a donné l'exemple avec l'abd et son sayyid il le paye pour qu'il travaille pour lui et au lieu de travailler pour lui il travaille pour un autre alors que c'est lui qui le paye Ça, c'est du dhulm. Personne n'acceptera ça. Tu as une entreprise, tu as des employés. Parmi ces employés, il y en a un, tu le payes. Et il a des heures, des limites. Il a un endroit où venir. Tout ça, c'est toi, Ibn Allah Azza wa Jal, qui lui impose ça. Et c'est ton haq. Il y a un salaire en échange. Et tu ne le forces pas, il ne veut pas. Tu vas trouver un autre. Il se met d'accord avec toi, Tayyib. Vous signez un contrat. Thomas, tu le payes le premier mois. Il ne vient pas. Pourtant, tu le payes. Et tu apprends qu'il va chez le voisin, chez ton concurrent. Est-ce que tu vas accepter? Jamais. Et cet employé, il n'est pas bon. Ben, il est mauvais. Il n'a pas de reconnaissance. Normalement, il te respecte, tu le respectes, tu lui donnes son salaire, lui, il travaille pour toi. Il y a un échange entre vous deux, du respect, etc. Adalan, il n'est jamais venu. Et il va chez le voisin. Il travaille pour le concurrent. Adalan, il n'a pas été reconnaissant. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cet exemple pour comparer le hal du mushrik. Allah, il lui donne. Il lui a donné la vie. Il lui a facilité. Depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, jusqu'à l'accouchement, il a grandi. Tout ça, c'est bi-idhnillah. Et à la fin, quand il atteint l'âge du teklif, et il a raison, et il doit adorer Allah, il adore autre. Ah, là, c'est un mujrim. C'est un valim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huna qal, fa innaka idhan min al-zalimin. Et dans l'autre verset de Sourate Luqman, inna shirka la dhulmun azim. Dans Sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala il a montré que c'est un dhulm azim. C'est une injustice énorme. Et هنا il a appelé ceux qui font cette injustice al-zalimin. Qala wa qala subhanahu wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Troisième verset que Cheikh Abdel Aziz bin Baz cite, le hukm, le jugement. C'est quoi le jugement de Haoula? C'est des kuffars. C'est des kafras. Qala azza wa jal, innahu la yuflihu al-kafiru. Kadhalik, il rendra des comptes. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Il rendra des comptes. Et s'il meurt ala hadha ash-shirk al-akbar, c'est un zalim. C'est un kafir. Et le refuge des kuffars, c'est le nar. Wa qala azza wa jal, dhalikum Allahu rabbukum lahu al-mulk. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. آية عظيمة ذلكم الله ربكم له الملك الله سبحانه وتعالى il te montre que c'est lui qui mérite l'adoration pourquoi parce qu'il a le mulk c'est lui qui a tout créé c'est lui qui a tout géré donc c'est lui qui ordonne il fait ce qu'il veut il t'a dit de l'adorer tu dois l'adorer tu n'as pas le choix احذر من دعوة الكفار qui contredit ce verset et d'autres il te montre أنك t'es libre أبداً t'es pas libre وهؤلاء المجرمون si tu travailles pour lui il te donne aucune liberté vous avez remarqué Al-Kafara il te donne aucune liberté بعد الفسقة ils fument toute la journée ils sont toute la journée devant la machine à café ils fument Anta tu lui demandes salat 5 minutes il ne veut pas pourtant c'est ton haq et tu as un droit بل بعد الإخوان ils nous ont informé ربما ils demandent de changer la pause il a une pause de eux leur pause maintenant c'est un quart d'heure ils fument et قيل وقال c'est des كفرة ou des فساق Et بعضهم, ils ont demandé, je ne veux pas cette pause, là, un quart d'heure. Moi, je la prends pour salat. Et il ne veut pas. Alors que ça ne le dérange en rien. Kufr, inad et contradiction. Les annahum, ils appellent aux libertés là, quand ça les arrange. Fahdhar, quand c'est pour ton din, ils vont tout faire pour que tu sois libre. Hurriya mutlaqa. Tu es libre à 100%. Aucun haq pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. لا تغتر لأن الله سبحانه وتعالى قال فإنما حسابه عند ربه il y a des comptes Ne crois pas que ce kafir t'a dit ça, c'est tout, c'est le haq. Et là, ce kafir lui-même, il rendra des comptes. Et toi, si tu le suis, tu rendras des comptes. Et dans ce verset, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. رَبُّكُمْ, ça englobe tout le monde. Tu n'as pas le choix. Tout le monde est concerné. Tout le monde, leur Rabb, c'est Allah. Kafir, muslim, salih, talih, alim, jahil, Allah, c'est Rabbul Jamil. لَهُ الْمُلْكُ. Donc tu fais pas ce que tu veux. Al-Mulk, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui te dit quoi faire. قَالَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ. Comparaison, hein, Allah subhanahu wa ta'ala te montre ce que vous invoquez en dehors d'Allah, que ce soit un malek, une statue, un caillou, le soleil, la lune, un mort. مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ. Al-Qitmir, vous savez c'est quoi? Al-Qitmir, c'est la petite pellicule, le noyau de date. Quand tu manges une date, il te reste le noyau. Au-dessus, en général, il y a une pellicule. Une toute petite couche. Tu l'enlèves. Elle est très fine. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cet exemple. Cette petite couche, il ne parle pas, subhanallah, du noyau de date. Il parle de la petite couche. مَا يَمْلِكُونَهَا صَحِيح. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, c'est Allah qui l'a possédé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. قَالَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Si tu l'invoques, et cette chose en dehors d'Allah, il ne t'entend pas, ce mort. Pourquoi l'invoquer? Il ne t'entend pas, ou cette statue. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre à ses mouchriko, même s'il t'entend, qadr qu'il t'entend, مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, il ne te répondra pas. Parce que c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Et cette créature, elle est daïf, elle n'a pas la coudra. قَالَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Rajoute avec tout ça, qu'yom al-qiyama, ce abd qu'il a adoré, ce mort qu'il a adoré, il se désavouera de ce mushrik. Al-shaytan, il se désavouera de tous les kuffars. Et les idoles, ils se désavoueront de leur ma'bud. Chacun se désavoue de l'autre. Et ceux qui réussiront, c'est ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as été reconnaissant, il te donne al-jannah. Amma ha'oula, ils te donneront rien du tout. Et s'ils ont adoré un salih, ou un nabi, comme les chrétiens ils ont adoré Isa, Isa il s'est désavoué d'eux min qabl, ou min ba'd. Et كذلك الصالحون الأنبياء العلماء qui se font adorer, ils n'ont aucun tort. Et ils se désavoueront de haoula. Et Allah subhanahu wa ta'ala yarda an awliya'ih. قَالَ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِتْلُ خَبِيرُ. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِتْلُ خَبِيرُ. يُنَبِّئُكَ, ça vient de naba, c'est la nouvelle. Et celui qui t'informe, c'est le khabir. Donc prends tes informations min al-Qur'an. Prends le haq min al-Qur'an. Amma les informations des kuffars et les afkar des kuffars, ça te fera que du mal. Wallah, ils veulent que tu perdes ton din. Et ils savent très bien que ton din, il est fondé sur l'usul al-thalath. Et sur al-qa'id al-arba'a, et sur kashf al-shubuhat, sur kitab al-tawhid, sur les livres de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, les livres de Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, de nos savants contemporains, de ceux d'avant. Tout ça fondé sur le Qur'an et le sunnah. Les têtes, les responsables de le kuffar, ils savent très bien ça. C'est pour ça qu'ils harbent da'wat ahl al-sunnah comme ils peuvent. Fahdar. Ihdar. Il y a un jour, il y aura des comptes. Et le hisab, il est chadid ala al-kafir. Qala al-Sheikh Abdel Aziz, fassamma subhanahu du'a'ahum shirkan. C'est ça le shahid. Qala azzawajal, wa yawm al-qiyama yakfuruna bi shirkikum. Le shirk, c'est quoi? C'est au début du verset, walladhina tad'una min dunih. Allah, il l'a appelé shirk. فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك. عبادة تايس عبادات كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه. Ça te montre que le shirk, c'est même si cette personne elle adore Allah, lakin elle adore un autre, c'est du shirk. Fala yaqul qa'il, mais il adore Allah, il fait salat, il fait siyam. Si il adore autre qu'Allah, avec Allah, c'est un mushrik. Et c'est pour ça qu'on l'appelle mushrik. Ça vient de shirik, associé. Il a adoré Allah et il a un associé avec. Amma al-ibada, c'est haqqun lillah. Tu dois adorer Allah seul. قال كفعل المشركين الأولين من عبادة القبور ومن عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. S'ils font du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il annule toutes leurs œuvres. Même s'ils font salat, même s'ils font siyam. Al-ulama, Cheikh Sulaiman, Sahib Taysir al-Aziz et autres, ils naqalou l'ijma' anna al-mushrik, c'est un kafir, même s'il fait salat, siyam, même s'il fait des sadaqat, même s'il fait le hajj. Et les versets, ils sont clairs fi hada. ولهذا قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أدعو الله سل إسوا من الشاكرين أي لغكنسا. أما الشرك سيغاب. Celui qui fait du shirk, Allah ne lui pardonne pas s'il meurt à la hada, shirk al-akbar. Il adore des morts, etc. S'il meurt, Allah ne lui pardonne pas. S'il meurt, il est finnar éternellement en enfer. S'il meurt, toutes ses œuvres elles sont annulées. S'il meurt, pas de shafa'a, personne ne peut intercéder pour lui. S'il meurt, tu ne profites même pas de son héritage s'il a laissé quelque chose. Tu n'as pas le droit, si tu es un musulman, tu n'as pas le droit. La yaritu al-muslim al-kafir. Wallah al-musta'a. Et demain, incha'Allah, nakmil. نكمل هذا الباب العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك